J'ai ça dans les banches qui avaient un peu moins de monde que les autres années. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est quasiment la même totalité que les autres années. Comme Waskanagan, on a eu deux tournois que c'est les mêmes gens qui ont comme bon inscrit. Il n'y a pas eu moins de participants que les autres années. OK. Donc, est-ce que ça a bien été ces deux tournois-là? Oui, les deux tournois, c'est très bien été. Ça a engendré de l'argent au club, puis tout va bien pour l'instant. OK. Autre chose à mentionner, peut-être? Est-ce qu'il y a d'autres choses à mentionner? Non, pour cette semaine, j'ai pas grand-chose. En fin de semaine, il y a un interclub à l'Abbé. Il y a 10 gars de Dolbeau qui vont là. Pour ça, il n'y a pas grand-chose à mentionner pour cette semaine. OK. Donc, on s'en reparle la semaine prochaine. Voilà, l'autre semaine, Danny, la semaine prochaine, je suis 4 minutes. OK, bon, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, c'est la chronique du club de golf de Beaumont-Sessigny avec Sébastien Marceau.